La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On fait le tour du football collégial, on parle avec des joueurs du Haut-du-Lac-Saint-Jean. Là maintenant, on va parler avec Marc-Antoine Robert. Marc-Antoine Robert qui est des Gaillards de Jonquière, première année avec les Gaillards, on lui parle. Salut Marc-Antoine. Salut Danny, ça va bien, Marc-Antoine. Première année, ça fait longtemps que j'entends parler de toi. On dit que tu es un joueur dominant à ta position. Est-ce que c'est exagéré ou c'est ou vraiment là, on dit que tu as beaucoup de potentiel? Ben, je pense que je travaille fort pour être le meilleur que je peux être. Le meilleur pour l'équipe. Là. Je donne le mieux que je peux pour l'équipe. Puis j'essaie d'être le meilleur que je peux être tout le temps. OK. Bien, dis-moi. T'es un allié défensif, c'est ça? Je suis un joueur de ligne offensive. Ah, t'es un joueur de ligne offensive, OK. Ouais, okay. Je peux jouer sa ligne défensive aussi, selon les besoins de l'équipe. OK. Comment t'es à ta première année au football collégial, comment tu trouves ton adaptation, comment tu trouves ça, la différence entre le football collégial et le football secondaire? Ben, je pense que ça, l'adaptation s'est bien faite, là. J'ai une grosse hiver, une grosse été d'entraînement. Puis l'adaptation a été correcte là. C'est un bon calibre de football là, je saurais dire. Mm. Mais je trouve que mon adaptation s'est quand même bien passée. Le cahier de jeu, apprendre un nouveau cahier de jeu, c'est-tu facile? Ben, au début c'est sûr, c'est plus difficile un peu là. Tu sais, ça change. Il y a plus de jeux, plus de formations, tout ça. Faut que tu comprennes plus un peu la game. Mais ça se passe bien là. Là je le maîtrise, je pense à. Je le maîtrise bien, je le maîtrise à 100%, je pense. OK, OK. Dans quel domaine que tu es au niveau des écoles? Au niveau de l'étude? Je fais une technique en gestion de commerce. OK. Donc, j'imagine que c'est quoi? C'est 3 ans, après ça, c'est l'université, après ça? Oui, c'est 3 ans, puis après ça, la possibilité de continuité à l'université, exactement. On dit que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, Ligue canadienne ou encore le football universitaire, c'est-tu quelque chose que tu envisages? Ben là, c'est sûr que là, on pense plus aux prochaines saisons collégiales, aux prochaines games collégiales pour l'instant. Mais c'est sûr que l'universitaire est envisagé, là, c'est bien normal. Là. C'est sûr, je vais essayer de me rendre de plus loin que je peux me rendre là, selon mon potentiel. Bon, OK. Dis-moi, on parle aussi de Philippe Lavoie. Philippe Lavoie vient de Saint-Jean-d'Arc. Tu demeures à Saint-Jean-d'Arc également. Philippe, il est étiqueté comme joueur vraiment dominant. S'il veut faire une carrière dans les Canadiens de football ou même au niveau universitaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Il a joué à la Coupe Canada également. C'est que ça fait d'avoir un compatriote du même village, puisque c'est un petit village, c'est un Dark qui va aller loin. Est-ce que c'est une source de motivation pour Marc-Antoine Robert? Ben, c'est sûr que Philippe Lavoie, ça fait un bon bout que je connais. Là. C'est sûr, c'est un peu mon cousin, si tu veux, là. C'est mon cousin un peu. Ouais. Donc ça fait un petit bout que je le connais tout ça. C'est sûr que d'avoir un gars comme ça dans l'équipe d'une certaine envergure, c'est sûr que c'est le fun aussi. T'es un bon joueur pis tout ça, tu sais qu'il va faire bien paraître ton équipe pis tout ça. Donc Phil est important pour notre équipe, je pense. Ben, c'est sûr. Puis c'est un joueur, c'est une motivation également pour les autres aussi, j'imagine. Comment tu vois C'est sûr que de jouer contre un gars comme ça, là, c'est sûr que tu t'améliores de répétition en répétition. Là, c'est sûr. Là. Un bon joueur comme ça, quand tu le rencontres, là, que tu as allé le bloquer ou peu importe, là, c'est sûr que tu t'améliores toujours. Là, un joueur de cette période-là, c'est sûr. OK. Dis-moi, comment tu vois la saison des Gaillards? Écoute, vous êtes vraiment dominant au niveau de votre division. C'est le bol d'or, rien de moins. Hein? Au moins une participation. Ce serait décevant de ne pas avoir une participation au bol d'or. Là. Ben, c'est sûr que notre but, c'est de se rendre là. Mais il faut y aller match par match et puis séquence par séquence pendant les matchs. Pour être sûr, si on veut se rendre là, faut gagner le prochain match contre Almo, puis faut gagner, par exemple, dans les séries. Donc, on travaille fort en pratique, puis on travaille fort en équipe. On a un bon esprit d'équipe, une bonne équipe en général. On travaille fort, puis on essaie, c'est sûr que notre but, c'est de se rendre là. On travaille fort pour arriver à notre but. OK. Marc-Antoine, première année, évidemment, je reviens, tu étais partant, tu étais très courtisé, là, je me rappelle l'an passé, ça fait longtemps, comme je t'ai dit, que j'ai entendu parler de toi, comme je t'ai dit en début d'entrevue. Pourquoi les Gaillards? Est-ce que c'était parce que la technique, parce que c'est beaucoup la technique aussi, là, avant l'équipe de football, la technique se donnait là ou tu aurais pu le faire ailleurs dans la région? Il y a plusieurs places dans la région où j'aurais pu faire cette technique-là. Ce n'est pas une technique qui est. C'est une technique que plusieurs cégeps offrent en général. Mais les Gaillards, c'est sûr que j'ai joué dans les Lynx puis l'été, dans les camps d'été, tout ça. Je me suis toujours fait coacher par François Carrier, François Carrier, excusez. Puis c'est sûr que quand tu te fais coacher par un gars comme ça, c'est un bon coach, tout ça. Donc c'est sûr que ça a joué dans ma décision un peu aussi. Le fait aussi que beaucoup de mes chums des Lynx aussi sont allés dans les Gaillards et tout ça, fait que c'est sûr que t'as plus de fun quand tu joues avec tes chums que ça fait longtemps que tu joues avec. Ouais. Puis je me disais que la division 3, c'est pas pire que la division 1. Si tu veux te rendre universitaire, en autant que tu sois un bon joueur dans une des deux divisions, t'as des chances de jouer universitaire selon moi. Fait que c'était pas la division en tant que telle comme l'équipe, là. J'ai vraiment choisi Gaillard parce que j'aimais bien la vibe qu'il y avait là. Puis leur attitude de gagnant, leur fiche gagnante aussi quelque part, ça doit attirer. Hein. C'est un peu comme n'importe quoi, là. C'est sûr que quand tu choisis une équipe puis tu gagnes, puis ils ont toujours gagné, puis ça fait 3-4 ans qu'ils gagnent, c'est sûr que c'est plus attirant pas mal qu'une équipe qui gagne moins. Là. C'est sûr. OK. Ben Marc-Antoine, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est une bonne saison. J'ai l'impression que ce ne sera pas la première entrevue que tu vas me donner parce qu'on nous dit que tu as énormément de potentiel, tu as une force physique incroyable. C'est ça que François me dit avant l'entrevue. J'imagine que les dépisteurs vont déjà commencer à vérifier pour le niveau universitaire parce qu'ils suivent longtemps, puis on va s'en reparler certainement au cours des prochaines années. Bon, mais c'est parfait, Danny. Voilà le joueur de ligne offensive, défensive plutôt des Gaillards de Jonquière, Marc-Antoine Robert.